facilement. Facilement. Facilement. Pour le cheval est capré, un droit on n'a pas de calé. Chez nous on fait pas trop de câlins, pas de sentiments, rien à carrer. J'fais plus de force, j'm'entraîne à caprer. J'suis mort en guéri, paré. Jusqu'à demain ils peuvent parler, parler. Vous me faites marrer, marrer. Allez j'envoie un petit paré, paré. J'danse les bras écartés, écartés. Bindo boudo, power abusif. La police me désordonne ma musique. Bindo boudo, impulsif. Mon cerveau se charge, ma voix s'élusie. J'paye pas mes vues, moi j'faut que la niche. Ha ha ha!